Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission du fan club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine et on va débattre et il y a des choses à dire sur cette semaine des Patriots. Pour m'accompagner ce soir, j'ai deux petits nouveaux. Les Houston Texans sont leur Gigi, le fan club français a aussi son Gigi. Bonsoir Jean-Jacques. Salut à tous. Pour nous accompagner également, c'est le supporter le plus barbu du fan club. C'est même le supporter de NFL le plus barbu, j'ai nommé Guillaume. Bonsoir Guillaume. Salut Cédric, salut tout le monde. Au sommaire de cette semaine, nous reviendrons bien entendu sur la défaite face aux Denver Broncos. Et il y a des choses à dire, je leur demanderai bien évidemment leur réaction. On analysera chaque team, à la fois l'attaque et la défense. On se posera la question de est-ce qu'enfin le défaut de cette défense a été enfin dévoilé. On se posera aussi la question de est-ce qu'on doit avoir peur de cette attaque qui part en déliquescence. Je poserai la question à mes deux invités de savoir si les Patriots sont-ils maudits cette saison. Donc on parlera des blessures et de l'arbitrage. Et enfin, on se posera la question, est-ce que cette défaite saute-t-elle la fin de la saison des New England Patriots ou est-ce seulement un accident de parcours? Et bien entendu, on finira par le top et le flop sur ce match. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez le débat qui sera consacré tout simplement au futur des New England Patriots. Que doit-on attendre des Patriots pour la suite de la saison et des playoffs? Et enfin, dernière partie d'émission, vous retrouverez. Et en troisième partie d'émission, vous retrouverez bien entendu les clés du match concernant les Eagles. Nous parlerons des forces et des faiblesses de l'adversaire. Et nous terminerons par le pronostic. Il me reste à vous souhaiter une bonne émission. Le Fan Club des New England Patriots, épisode 5, c'est parti. Ça y est, elle est là, la première défaite des New England Patriots face aux Denver Broncos, 30 à 24 en prolongation, sur une course de 47 yards face de CJ Anderson. Rapidement, comme à chaque fois, un petit coup d'œil sur les statistiques. Denver, 433 yards, New England, 31 yards. Temps de possession supérieur pour Denver, 36 minutes versus 25. Petit coup d'œil au niveau des statistiques individuelles. Tom Brady finit avec une carte de 280 yards, 3 TD, avec un ranking à 99 en face, Osweiler finit avec 270 yards, un TD, une interception et une carte à 72. Au niveau de la course, New England finit avec seulement 39 yards pour 16 portées. En face de l'autre côté, Denver est à 179 yards. Au niveau des receveurs, Gronkowski finit avec 88 yards, 1 TD. Bolden, 84 yards, 1 TD. Et Chandler à 58 yards également. Et LaFell à 36. Du côté de Denver, on note surtout la performance de Chandler à 113. Et après, c'est Owen Daniels qui est à 48. Ma première question, messieurs, qu'avez-vous pensé de cette défaite? Petite frustration quand même. Général, on va dire, parce que ça avait vraiment été difficile à vivre sur le quatrième quart-temps. Ça a été une catastrophe. Pour moi, ça a été vraiment une catastrophe. Sur le quatrième quart-temps, de la frustration, on n'en retient que ça, parce que avec l'arbitrage qui était pourri, des blessures, c'était rien d'autre à dire sur ça. C'était chaud, quoi. Ouais, bah écoute, un peu pareil. C'est vrai, moi, après coup, ça passe un peu mieux, parce que dans l'absolu, on fait un match qui est quand même pas dégueu, malgré la défaite. Comme tu dis après, c'est vrai qu'un peu la frustration, se faire un peu voler le match sur des faits un peu extérieurs au jeu en lui-même et tout, mais moi je pense que ça va leur donner un coup de fouet cette défaite et ça annonce du bon pour la suite. Moi de mon côté, je dirais qu'effectivement cette défaite on l'attendait d'une part soulagé qu'on ne parle plus maintenant de cette perfect season, enfin pouvoir se consacrer à notre jeu et à nos faiblesses et à renforcer nos forces, à soigner les blessures. Après, termine la série de 47 matchs où on mène de plus de 14 points en quatrième quart-temps et c'est la première fois que on se fait remonter et qu'on perd. Évidemment, on y reviendra au fil de notre émission. Il a beaucoup de choses à dire, hein, que ce soit sur l'attaque ou aussi sur la défense. Ce sera pas sur le dos, franchement, sur le dos des arbitres. Il y a des blessures, il y a des erreurs défensives, clairement. Hein. Il y a des erreurs tactiques aussi au niveau de l'attaque. Qui laisse à penser que cette défaite est peut-être plus embêtante qu'on voudrait nous faire croire. Malheureusement, qu'on aurait pu espérer que ce serait juste un rappel à l'ordre, mais potentiellement, elle peut être bien plus. Mais messieurs, on va tout de suite commencer l'analyse de ce match avec d'abord l'attaque des Patriots. Messieurs, est-ce que cette attaque part en déliquescence? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Notamment, je pense, un jeu de course totalement inexistant. On a joué sur uniquement à la passe, enfin, cette défense qui est certes très bonne. Il faut noter qu'en face, Demarcus Ware était absent. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Bien sûr, cette attaque a été impactée par les blessures, notamment de Gronkowski, mais on y reviendra plus tard, l'absence d'Amendola. Par rapport au jeu qui a été affiché, est-ce qu'on doit avoir peur pour cette attaque? Il y a tellement... Je sais pas, franchement, il y a tellement d'inconnus avec les blessures, avec tout ça. Gronkowski, maintenant, ça va être à la semaine, s'il revient ou pas. Il y en a qui parlent de le faire revenir, de le faire rejouer dimanche. Je sais pas trop si c'est une bonne nouvelle de le mettre tout de suite dans le bain dimanche. Après, le jeu, moi, ce qui m'inquiète, c'est la O-line, en fait. Je trouve que la O-line n'arrive pas à ouvrir des brèches pour Blunt. Et Tom doit se précipiter un peu, et c'est ça qui m'embête, moi. Ouais, non, je suis d'accord. Bah pour moi, tu vois, la différence, c'est sur notre jeu total, en fait. On a fait quoi? On a fait 16 first down sur tout le match, et on en a fait un seul par le rush. Bah, tu peux pas gagner avec un ratio pareil, quoi. Tu peux pas faire peur à l'adversaire. C'est-à-dire que tu mènes sur les trois quarts-temps, et sur le quatrième, tu te fais avoir parce que forcément, ils ont compris ton jeu. Et... Ah bah carrément. Déjà sur la O-line, petite information, Andrews, qui a quand même débuté les 9 premiers matchs de la saison, n'a pas joué un seul snap face aux Broncos. Après, la O-line, qui a du mal à ouvrir des brèches, oui. Après, elle a un manque clairement d'habitude de jouer ensemble. Il n'y a pas de leader. Ouais, c'est ça surtout. Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi qu'il y a un ou deux joueurs qui nous mettent en difficulté dans cette O-line. J'en ai parlé au podcast précédent, mais pour moi, Cannon, pas à lui faire confiance. Je suis désolé. Je pense que même effectivement, si Andrews est jeune et qu'il n'a pas été bon ces deux derniers matchs, je pense que c'est des erreurs de jeunesse et qu'il faut lui faire confiance comme on a fait confiance à Stoke l'année dernière. Et peut-être redécaler Stoke en right tackle ou essayer de le faire jouer en left tackle. Sachant que. Pour la petite information, face aux Broncos, celui qui a joué right tackle, c'est Cannon. Et Vollmer joue de l'autre côté. Donc, est-ce que faudrait pas remplacer Cannon par Stoke et Stoke par Andrews ou Andrews en décalé en right tackle? Je ne sais pas, mais peut-être. Mais Cannon, moi, je lui fais pas confiance. Alors après, c'est peut-être ce qui cause effectivement que Brady soit sous pression, qu'on a du mal. Ah, il a été vachement sous pression. Il a été vachement sous pression tout le match, en fait. On n'a qu'à voir les sacs, il s'en est pris 3, quoi. C'est quand même pas mal. Et encore, il en a évité quelques-unes parce qu'il a quand même pas mal bien bougé. Et il a pu lancer à temps, surtout, sur certaines actions. Mais c'est vrai que ça a été un calvaire pour lui. C'est sûr que ça a été un calvaire, mais c'est à l'image des deux derniers matchs. Hein. Faut pas se cacher. Ou... Voire même des quatre derniers matchs. Effectivement, là où l'année était en difficulté. Effectivement, le jeu de course absent. Ça, on l'avait déjà signalé depuis un bon moment. Malheureusement, sans jeu de course, les Patriots, ça va être compliqué. Hein. Sachant qu'en plus, avec le nombre de blessés en termes de receveurs, si on n'arrête pas un seul jeu de course, ça va être compliqué. Hein. C'est-à-dire que tout est lié en fait, c'est-à-dire comme on a une online qui tient pas non plus 5, 6 voire 7 secondes, on n'a pas les receveurs, c'est-à-dire que rien que sur ce match là, j'ai regardé les receveurs, on a eu 3 tight ends, 2 running back et 2 vrais receveurs. Sur des receveurs, on a eu 5 personnes qui n'étaient pas receveurs de formation. C'est chaud quand même. C'est-à-dire que Brady n'a pas les cibles, il n'a pas un jeu au sol extraordinaire parce que la ligne ne fait pas de trou. Et derrière, il faut qu'il esquive les sacs. C'est trop difficile, on ne peut pas faire tout un match comme ça. Surtout en laissant le ballon seulement que 36 minutes à la défense. Quoi. Tu peux pas dire, allez, la défense, faites-nous gagner le match. Ah non, la défense, ça fait gagner le championnat, elle ne fait pas gagner le match. Hein. Bah, moi, je trouve qu'un peu la bascule, ça a été la blessure de Lewis, qui arrivait bien à se faufiler, bien à nous faire à engendrer les yards. Et depuis sa blessure, le jeu au sol s'est un peu effondré. Et après, ça a été la cascade. Le fait que Lewis soit plus là, c'est qu'avec Lewis, il pouvait faire les deux. Donc, tu semais le doute, tu savais jamais si c'était une passe, une course. Et donc, la défense était hésitante. Du coup, ça crée des brèches. Là, maintenant, on n'a plus cette menace en backfield. C'est effectivement, on est obligé d'avoir un vrai jeu de course originel. Donc, et là. Ouais, mais non, je pense que c'est faux. en fait sur le principe parce que Blount, je suis sûr qu'en fait on peut l'utiliser comme on utiliserait Lewis en fait. C'est, je pense qu'on peut le faire. Il en est capable. Il peut rentrer dans le tas comme un gros. Il peut faire des esquives sur le côté et aller sur le côté. Il peut recevoir des balles. Je suis sûr qu'on peut le faire. Après, est-ce que c'est le coaching derrière qui a pas la confiance en lui pour le faire? Mais il faudrait varier les jeux parce que faire rentrer Blount dans le tas pour faire gagner 2 yards, c'est bien une fois pour fatiguer la défense en face. Mais tu peux pas faire ça 6 fois dans le match. Ça sert à rien. C'est sa qualité à Blount. Blount, au début de la saison, on s'en servait très mal parce que Blount, on le faisait courir sur les côtés en termes de course. Et c'est pas du tout. Il est pas assez vif, il a pas assez d'appui pour pouvoir passer un défenseur. Lui, Blount, ce qu'il aime, c'est créer des espaces dans l'axe du terrain. Aller dans le tas, trouver les espaces, résister à des plaquages. Ça, c'est là où est sa force à Blount. C'est pas autre chose. C'est un running back beaucoup plus à l'ancienne tout en puissance. Donc on peut pas lui demander de le faire comme un Dion Lewis, je pense pas, à la réception, à le faire courir sur le côté. Lui, c'est normal, c'est son rôle. Ça serait plus faire confiance à un James Wright ou même un Bolden à ce moment-là et d'alterner les deux. Il faut insister sur le jeu de course. Même si ça prend du temps, il faut insister beaucoup plus. Ah oui, je suis complètement d'accord sur ça. Ça, les courses, il faut même en abuser parce que franchement, 39 yards, là, ça a été ridicule. Ouais. Ridicule. Surtout face à une équipe qui est adepte du pass rush. Hein. Aussi, ouais, bah oui. Ouais. Et encore, heureusement qu'il n'y avait pas des Marcus Ware en face. Ouais, déjà. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est depuis la perte de Devlin aussi, on n'a plus de type qui transperce ce pass rush, en fait, qui arrive à passer à travers et qui aide notre running back de, on va dire, de plein fouet, en fait. C'est vrai que ça aussi, ça nous manque beaucoup. Devlin est un joueur qui nous manque beaucoup. Ouais. Surtout sur les matchs comme ça, en fait. Ah, ça, c'est une certitude que lui, Devlin, le fait de ne pas l'avoir de toute la saison, c'est sûr qu'il ouvre énormément de brèches. Ça, c'est clair. C'est clair de ce côté-là. Au niveau des jeux des receveurs, alors là, j'aurais quand même à avoir votre avis, parce que notamment Lafell, il sort avec un match avec pas beaucoup de yards, et quand tu vois le match, il est pas loin. Il est pas loin de tout. Il lui manque quelques mètres. Est-ce que c'est un problème au niveau de la passe? Est-ce que c'est Lafell qui a pas été bon? Il était toujours proche de faire l'action, la réception, mais là, rien. C'est pas la première fois qu'il est pas loin, justement. Et c'est un peu le problème. Il n'y a pas que sur ce match-là qu'il est pas loin. Il y a, je sais plus quel match, il y a quelques semaines, où il a droppé énormément. Enfin, est-ce que c'est un problème de confiance? Je sais pas. Moi, étant receveur, je pense que c'est autre chose que de la confiance, en fait. Parce que à chaque fois, Brady, il est sous pression. Il envoie la balle comme il peut. C'est l'analyse que je fais. Et toutes les passes qu'il a reçues en premier quart-temps, il les a eues dans la main. Pourquoi? Parce qu'elles étaient à moins de 20 yards. Elles n'étaient pas faciles, mais elles étaient assez courtes. Ensuite, on a essayé d'envoyer des bombes à l'autre bout du terrain, sous pression. Et Lafell qui court, avec un défenseur qui est sur lui, il se retourne et il drop. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile comme balle à avoir, surtout sur un terrain comme ça. C'est-à-dire que la condition météo, elle était horrible pour un receveur. Il pleuvait, c'était limite presque de la grêle. Ah, mais il neigeait, c'est pas de la grêle, c'est neigeait. Voilà, à la fin, il neigeait, quoi. Enfin, le premier quart-temps, non, mais après, ça a commencé à se dégrader au fur et à mesure. C'est horrible comme condition météo pour un receveur. Eh ben, je pense que sur un autre terrain, avec d'autres conditions météo, Brady moins sous pression, je pense qu'il aurait pu attraper ses balles. C'est vraiment pas un problème de confiance. Après, est-ce qu'il y a un petit truc qui fait que les longues balles, il n'arrive pas à les attraper depuis l'année dernière ou il y a 2 ans? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en premier quart-temps, toutes les balles qui ont été envoyées sur lui, toutes elles ont été catchées. C'est sûr. Après, pour moi, Lafell, c'est pas un receveur longue distance. Est-ce qu'on le... Là, pour le coup, je pense qu'on l'a surutilisé à longue distance, alors que lui, ce qu'il aime, c'est les passes de 20 yards, un peu moins de 20 yards. C'est là où est sa force. Un Keshon Martin, par exemple, c'est plus lui qui va jouer le rôle de normalement de receveur long. Et Keshon Martin, d'ailleurs, a quasiment joué tous les snaps offensifs, et il a été visé une fois. Une réception pour 8 yards. Donc, est-ce qu'il y a aussi, je pense qu'il y a dans cette équipe-là, des Patriots, un problème de confiance au niveau des receveurs. Brady a ses cibles, a ses préférences, McDaniel aussi. Il manque peut-être un problème à ce niveau-là, d'essayer de faire confiance à des jeunes joueurs pour qu'ils réussissent. Après, faire confiance à des jeunes joueurs, ça peut causer des risques. Et vous me voyez venir, en parlant de jeunes joueurs, je veux bien entendu parler d'Harper, qui a fait un match plutôt médiocre, voire très très mauvais au niveau notamment des retours de punt et ses deux muffles. Une petite réaction hein, si. Alors sur Harper, oui, j'ai même une grosse réaction, c'est-à-dire que moi j'ai analysé un petit peu ce qu'il a fait parce que j'ai regardé son drop. À ce niveau-là, ça doit jamais arriver comme ça. On n'est pas Cleveland, on n'est pas les équipes de bas de tableau qui n'ont pas les joueurs pour. On est les Patriots. Ça doit jamais arriver sur le terrain un truc comme ça. C'est arrivé, bon. on peut rien y faire. Mais un joueur dont on fait confiance sur le terrain, il doit être parfait. C'est-à-dire sur un truc comme ça doit jamais arriver. C'est des choses qu'on apprend même quand on est piwi. Si t'as le ballon, tu l'attrapes, tu le catches. Ouais, bah un peu le même avis que Jean-Jacques. C'est une erreur de casting pour moi, simplement. D'accord, pour toi c'est une erreur de casting. Je pense, ouais. Pourtant, on avait, de moi ce que j'en avais lu, Harper quand même, c'est quelqu'un qui nous faisait du bien et qui a quand même, alors en tout cas l'entraînement avant le match des Giants, qui a joué le rôle de Dale Beckham et qui a été plutôt performant. C'est ça qui lui a permis d'ailleurs de rentrer dans les 53. Ah oui, non, ça je suis complètement d'accord avec toi sur ça. Mais sur ce match-là, en particulier, il y a eu deux punt returns. Sur les deux, un il a droppé et l'autre il savait même pas où il devait aller. C'est-à-dire que j'ai vu l'action, je l'ai re-regardé. Oui, il hésite, il va à droite, il va à il gauche. Il danse un peu à gauche, à droite et voilà. Voilà, à gauche, à droite, il sait pas où il va, alors qu'il y avait un couloir devant lui. Il aurait pu gagner peut-être, allez, 7-8 yards, c'est pas grand-chose. Sur un punt return, c'est pas grand-chose. Mais c'est 7-8 yards à gagner. Et c'est cette hésitation, sur cette première balle d'hésitation, on n'aurait jamais dû le refaire rentrer en tant que punt return. Parce que il a hésité quelques secondes. C'est peut-être pas, peut-être que dans le jeu, le coaching l'a pas vu. Bon, moi, c'est après en l'ayant regardé 2, 3, 4 fois, j'ai vu qu'il avait beaucoup hésité. Peut-être que ça s'est pas vu dans le jeu, mais après coup, on le voit, il hésitait. Et forcément, quand on hésite, eh ben, on fait des erreurs, des petites erreurs, et ça nous a coûté un turnover, en fait. Et donc Harper, pour la petite info, pour ceux qui ne le savaient pas encore, il a été waivé, il a été re-signé en practice squad, et il a été remplacé par Damaris Johnson, le kick returner et punt returner, ancien joueur des Texans. Ouais, enfin, ça c'est vraiment du bricolage, je pense. Parce qu'on a, on a des vrais punt returners depuis le début de l'année. Ils sont tous blessés, c'est-à-dire qu'on avait Amendola, on avait Edelman, ils sont tous blessés. C'est du bricolage. Pour moi, c'est du bricolage. On signe quelqu'un pour le garder 6 mois, et après pour lui dire merci Coco, on n'a plus besoin de toi, retourne en practice squad, parce que tu ne sers pas sur le terrain, en fait. Et c'est vraiment, voilà, c'est du bricolage. Je pense que les gens, dans le staff, ils essaient de bricoler. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et ça se voit. Exactement. On en parlera un peu plus tard dans les émissions au niveau des blessures, notamment. Mais en même temps, est-ce que c'est difficile de peut-être de faire mieux quand on a le nombre de blessures qui arrivent? Ça reste compliqué. Maintenant qu'on a parlé de l'attaque, place à la défense. Alors la défense, sans revenir sur les émissions précédentes, on parlait toujours qu'il y avait un gros défaut dans cette défense, c'était la défense sur corner, la défense sur receveur, pardon. On attendait tous cette défaite, enfin, on l'espérait pas, on pensait que cette défaite allait mettre en avant le défaut qu'on pensait tous qui était au niveau des corners, et là on perd. Est-ce que ce défaut a causé la défaite des Patriots, ou est-ce qu'il n'y a pas plus? Et je pense notamment à la défense contre le jeu de course, qui a été quand même très, très faible. Bah, c'est-à-dire que ça a été complètement l'inverse, en fait. Cette fois-ci, j'ai trouvé la défense aérienne plutôt correcte, voire des fois bonne. Oui, même Logan Ryan. Ouais, voilà, par exemple, Logan Ryan, qui a été exceptionnel pendant les 90% du temps. 90%. C'est-à-dire que c'est lui qui cause le deuxième ou troisième TD, mais c'est vraiment pas grave, parce que ça, il pouvait rien y faire. Mais c'est-à-dire que sur Thomas, il a été présent toute la soirée. Ouais, et là, museler Thomas, faut le faire. Voilà. Et je pense que c'est à mettre à son crédit, parce que franchement, Logan Ryan sur ce match, ça a été le meilleur corner qu'on a eu de la soirée, je pense. Après, moi, je pense que le problème contre la course, bah, on en revient en blessure. T'as Collins qui est pas là, Hightower qui se blesse pendant le match. À la place, bah, on met Mayo, mais Mayo qui sort de 2 saisons blanches. Tu peux pas tenir avec ça, quoi. Bah, ouais, non, c'est sûr, on peut pas tenir avec ça. Et surtout, j'ai remarqué 2 choses. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 types de jeux qui nous font perdre, en fait. T'as la grosse bombe qui part de loin, qui va à l'autre bout du terrain, et nos corners, on sait ce que c'est, ils peuvent pas non plus courir aussi vite que certains top receveurs. Eh ben forcément, on se fait avoir sur ces actions-là. Et aussi, on se fait avoir sur les screen pass, sur les jeux, les toss, les choses qui partent sur le côté. Et sur ces jeux-là, on est perdu. C'est-à-dire que les linebackers ne savent pas quoi faire, ils savent pas où aller. Les corners, ils sont complètement à la ramasse. Et le safety, il y en a un. À chaque fois, il y en avait un seul sur ces passes, sur ces jeux-là. Et le safety était tout le temps en retard. C'était tout le temps, c'était chronique. Sur 3 actions où il y a eu les TD à la, non, les TD à la, ouais, les screen pass et les screen play, en fait, en général. Sur ces 3 actions là où on s'est pris des TD à la course, eh ben sur les 3, tout le monde était à la ramasse. Mais tout le monde, hein. Ça a été c'est vraiment flagrant. Sans compter les fautes, tout ça, parce que on comptera pas les fautes, parce que bon, faut mettre ça au crédit. Mais sur ces jeux-là, à chaque fois, on s'est fait avoir comme des bleus. Et là où ça se voyait le plus, c'est sur la dernière action sur l'OT. Eh ben, on s'est fait avoir comme des bleus, alors qu'on s'était fait avoir deux fois avant comme des bleus juste avant. Alors, est-ce que c'était une adaptation à faire de la part du coaching ou c'est les joueurs qui étaient à la ramasse? Ça, je sais pas. Mais c'était l'un ou l'autre, hein. Voire les deux. Exactement. Est-ce que... Moi, je vais vous poser une petite question. Est-ce que la défense des Patriots n'a pas été trop naïve? Je m'explique. On s'est dit, ouais, Osweiler, c'est le remplaçant de Manning. Ils vont garder le même jeu que Manning, qui va rester dans sa poche. Et au final, Osweiler, elle a quand même fait pas mal de bootlegs qui nous ont bien, bien, bien fait mal. Donc, ce qui a empêché aussi pas mal le pass rush, parce qu'au final aussi, ce qui a manqué, notamment on le voit sur la fin de match, où on est plus en délite, entre guillemets, plus en délitante, moins agressif. On n'a pas énormément saqué Osweiler que ça, on n'a pas été très agressif, on n'a pas réussi à faire collapser la poche pour l'empêcher, ben, à la fois de faire des bootlegs ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a aussi une part, et c'est un peu la conséquence de ce qu'on évoquait les dernières émissions, peut-être une part de manque de concentration, naïveté, qui s'est entraînée au final du match en disant ouais c'est bon, on mène de 14 points, ça devrait aller, et au final la naïveté, ouais. De la naïveté et un manque de concentration aussi, quoi, de dire bon, à un moment donné il faudrait peut-être retourner au charbon. Ouais, peut-être. Moi je pense qu'ils ont pas pris non plus à la légère, parce que le match, on l'a vu qu'ils ont commencé sur des chapeaux de roue, ils ont lancé les TD, ça s'est bien goupillé de suite. Et sur le quatrième quart-temps, après le turnover qu'on s'est pris, ben la défense, l'attaque s'est éteint, on n'a plus fait de jeu, on a plus... C'est-à-dire que... Et quand on arrivait à faire du jeu, c'est là où on se prenait ou une faute, ou un abus d'arbitrage. C'était sur la fin du quatrième quart-temps, j'ai cru qu'on était maudits sur ce quart-temps-là, j'ai cru qu'on s'était éteint. Voilà, que tout pouvait aller que mal. Quand j'ai vu la passe sur... je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas sur la dernière passe... Juste avant le TD. Voilà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben voilà, le match il est plié. On va perdre 24-21 parce qu'on va pas réussir à remonter. Bon, on est remonté grâce à un Brady qui a fait ce qu'il fallait dans la minute très difficile, mais il a fait ce qu'il fallait. Avec bien sûr un kick magistral que je pense c'est très difficile d'en mettre des comme ça. Mais c'était chaud, quoi. Quatrième quart-temps, horrible. Moi, le quatrième quart-temps, il m'a fait penser au troisième quart-temps qu'on avait il y a 2 ans. Tu sais, on rigolait un peu il y a 2 ans pendant les lives en disant, ouais, troisième quart-temps, on est un peu les maudits du troisième quart-temps. Où au retour des vestiaires, on déjouait complètement, on jouait à l'envers. Et j'ai revu cette période pendant le quatrième carton l'autre jour où tout allait de travers, aussi bien dans le jeu qu'en dehors. C'est vrai, tu as complètement raison sur ça, en fait. Ah, mais sur le quatrième carton, il y a la fausse, c'est un problème de communication, hein, parce que quand t'es pas capable de mener 14 points, de bouffer l'horloge en faisant la course, c'est qu'à un moment donné, t'as aussi il y a quelque part un problème, hein, d'un double coaching et tout. Enfin, là, pour le coup, il y a eu une absence totale de tout le monde. C'est-à-dire que ouais, on en était même pas capable. C'est-à-dire que le jeu de course était mort. À cet instant-là, on savait. Le coaching savait, les joueurs savaient que ça ne servait à rien de faire de la course parce que forcément, on n'y arriverait pas. Et je pense que c'était un problème de confiance de ne pas lancer ces jeux à ces moments-là, en fait. Parce que moi, je disais, quand il restait le temps à la fin, je me suis dit, ils vont faire descendre l'horloge. Ils vont faire une passe de jeu de course, une passe de jeu de course. Ça serait logique. Il n'y en a eu pratiquement aucun. C'est-à-dire qu'on a lancé, on a lancé, on a lancé, on a droppé, on a droppé, on a droppé. Et on leur a rendu la balle alors qu'on n'aurait jamais dû leur rendre. Et ils ont fait 2 passes longues, un rush... Terminé, TD. Voilà. Ouais. Ça a été plié en quoi 45 secondes. Ils nous ont remonté en 45 secondes. Ça a été fou. Voilà. Et sur ça, je pense que c'est une erreur de coaching au départ, en fait, qui a pas laissé tourner l'horloge, qui ont vraiment voulu jouer pour avancer, et alors qu'il y avait d'autres choix, en fait. Et pourtant, la défense en face, elle était vraiment motivée parce qu'on l'a vu. Ils ont saqué Brady sur la fin 2 fois. C'est sur la fin où il s'est fait saquer le plus, en fait. Il y a eu clairement un problème de ce côté-là. Donc, Jean-Jacques, t'en parlais très bien tout à l'heure. Et justement, c'est la troisième partie de cette analyse. Est-ce qu'on vous parlait de maudits, de malédiction tout à l'heure sur le troisième quart-temps d'il y a 2 ans? Et justement, est-ce que les Patriots, est-ce qu'ils sont maudits cette saison? Quand on voit l'eau des blessures, cette fois encore Gronkowski qui se blesse, Hightower qui se blesse. Mais Gronkowski, on en a parlé, qui est pour le moment, semaine après semaine, il va être jugé. Hightower qui est revenu à l'entraînement, Amendola d'ailleurs est revenu aussi à l'entraînement. Les erreurs d'arbitrage, Gronkowski qui se fait souvent siffler. Pour vous, les Patriots, ils commencent à être maudits cette saison. Ça ressemble à de la malédiction ou pas, ou c'est juste une saison de malchance. Franchement, je pense que c'est pas une saison de malchance parce que vu cette année les blessures extraordinaires qu'il y a dans toutes les franchises, c'est dingue. Hein, je me dis que heureusement notre QB est encore debout parce qu'avec toutes les blessures de QB qu'il y a eu cette année, c'est dingue. Cette année, je crois que j'ai jamais vu autant de QB au sol en fait. Et il y en a eu, hein, sans citer Tony Romo, que ça fera plaisir aux presse qui sont blessés, mais il y en a eu quelques-uns. Je m'attendais pas du tout à qu'ils soient blessés. Mm-hmm. Je m'attendais pas du tout à qu'il y ait un turnover de fou sur les QB parce que ça a été dingue. Hein. Et non, on n'est pas maudit sinon parce que. Faut dire ce qu'il y a, on est à 10-1, on n'est pas Cleveland, on n'est pas, on n'est pas en bas du tableau, on est quand même en haut de l'iceberg, quoi. On n'est pas tout au fond, on n'est pas en train de couler, c'est pas une année noire. C'est vrai que c'est une année de malchance générale, je pense, et c'est-à-dire au niveau de l'arbitrage, parce que l'arbitrage est devenu tellement difficile pour les arbitres à arbitrer, c'est-à-dire que c'est les règles qui changent tout le temps, on leur dit ça, on leur dit ci, on leur fait faire ça. Les arbitres sont un peu perdus, donc ils font un peu ce qu'ils peuvent, c'est vrai, mais ça se répercute sur le jeu tout le temps. Ensuite, les blessures, les blessures, ça fait partie du jeu, et nous, on n'est pas épargnés. Et comme chaque année, je pense, parce que chaque année, on a toujours eu des blessures, je dirais, top, parce que on a eu Gronk plusieurs fois, on a eu Brady une année, à un moment donné... C'est pas la pire année, mais elle est lourde. Ouais, je trouve aussi que malédiction, c'est un mot qui est un peu gros quand on regarde, quand on fait le bilan en fait en général. C'est vrai qu'on se dit ouais, on a beaucoup de top joueurs qui sont blessés, mais bon, quand on regarde les Ravens par exemple, ils sont complètement décimés. Ils ont plus de QB, ils ont plus de running back, plus de receveur. Enfin, donc en fin de compte, non. Quand tu fais le bilan, comme dit Jean-Jacques, on est à 10-1, c'est quand même deuxième équipe de la ligue. Non, je pense que après, faut pas que ce soit des blessures qui nous handicapent vraiment pour la fin de la saison. Si Amendola revient, si Gronk revient, on va s'en tirer. C'est difficile à dire. C'est vrai que là, depuis deux, trois matchs, on enchaîne les blessures de top players. Gronkowski, Edelman, Amendola. Faudrait que ça s'arrête. Après, côté arbitrage, il y a toujours dans toutes les saisons, il y a toujours son lot d'arbitrage en faveur et en défaveur. Donc, au fil de la saison, ça s'équilibre. Mais c'est vrai qu'au niveau des blessures, faudrait que ça s'arrête. Je pense qu'on en a eu assez. C'est vrai qu'on a toujours été épargné en début de saison. Après, je pense que aussi, les Patriots, ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont des joueurs de deuxième catégorie, on va les appeler comme ça, qui performent aussi. C'est-à-dire qu'on a fait sortir. Il n'est pas vraiment blessé, il est malade, Jones. Il est malade. C'est ça, c'est Jones qui est malade. Mais il y a Collins. Collins qui est malade, oui. Il y a Collins qui est malade. Et sur ce match-là, on a eu Freni qui a fait un match que j'ai trouvé très, très bon. Il a été très, très bon. Et pourtant, s'il y avait Collins, je pense que Freni n'aurait pas fait le même match. Et je pense vraiment qu'il n'aurait pas fait le même match. Et je pense que quelques joueurs qui se blessent, ça peut faire sortir d'autres joueurs et les faire prendre conscience qu'ils peuvent avoir leur place et donc faire performer sur certains joueurs. Après, je dis pas quand on perd un Gronk, forcément le prochain match ça risque d'être difficile. On l'a bien vu il y a 2 ans quand on n'avait pas Gronk, forcément les matchs on avait plus de mal à les gagner quoi. Là, je pense que ça va être pareil, hein. Ça va être difficile, mais c'est sûr que Chandler est très bon. Après, on a Le petit Ayan qu'on a pris à Sante, c'est ça, qu'on a pris il y a pas très longtemps aussi, il a fait une réception sur ce match et plus du tout. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi on l'a pas refait jouer encore, mais non, c'est pas une question d'être maudit, mais c'est juste une question de malchance, je pense. Et du coup, cette défaite, c'est quoi? C'est un accident de parcours ou c'est vraiment après on peut se dire que la fin de la saison va être difficile et on va avoir des playoffs catastrophiques? Moi, je veux croire en accident de parcours, clairement. Alors moi, je pense que c'est un accident de parcours et que le reste de la saison va être difficile. Je pense que c'est un mix des deux parce que oui, on a perdu. Il fallait qu'on perde parce que je pense que faire 16-0, c'est... C'est trop de pression pour la suite. C'est d'un trop de pression. Et de deux, je pense qu'il y a une espèce de malédiction depuis que les Patriots l'ont fait. Et je pense que chaque équipe qui va le faire va se mettre la pression et va perdre en play-off. Et je pense que c'est mauvais pour le karma, pour tout ce qu'on veut en fait, de faire 16-0 en fait. Il faut pas le faire. Je préfère finir à 8-8 et gagner le Super Bowl comme l'ont fait les Giants quand ils nous ont gagné, que finir à 16-0 et perdre en Super Bowl quoi. C'est super frustrant. Je pense que c'est un des pires souvenirs du club, enfin du fan club et du club en général, je pense. Et ouais, non, je pense que les Panthers, s'ils font, vous allez voir, ils vont se planter en playoff, mais ça va être magistral. Et j'espère qu'ils vont le faire pour montrer à tout le monde que C'est une malédiction ce 16-0. Et il faut arrêter d'essayer de le jouer. Parce que on le joue pas vraiment, mais chaque année, on se retrouve à poser la question, quand on est à 7, 8, 0, à se dire, est-ce qu'on va faire la saison parfaite? On s'en fout, c'est pas important. Le truc, c'est d'arriver en playoff, de gagner les playoffs, d'arriver au Super Bowl et de remporter le Super Bowl. Il n'y a pas d'autre objectif. On s'en fout de faire 16-0, de faire des records. C'est bien pour les livres d'histoire, mais dans les livres d'histoire, on se rappelle que des gagnants, quoi. On se rappelle pas du perdant à la fin. Pour finir sur cette analyse au niveau du match, messieurs, quel a été votre top et votre flop concernant ce match des Broncos? On va commencer par Guillaume. J'ai beaucoup aimé, moi, c'est en attaque, j'ai beaucoup aimé Bolden, qui a fait un super TD, vraiment magnifique, des frissons en le voyant. J'ai beaucoup aimé aussi en top Logan Ryan en défense. Je pense qu'il nous a sorti son meilleur match depuis qu'il est chez les Pats. Donc mon top, Brady toujours, hein, parce qu'avec la pression qu'il a eue, que lui ont mis les Broncos, arriver quand même à rendre une feuille sans interception avec des stats, avec trois touchdowns et tout, contre la défense aérienne de Denver, ça montre que c'est Brady, hein, c'est le meilleur, il n'y a pas tortillé. Et dans les flops, la O-line qui laisse trop passer sur Brady, qui lui met trop de pression, et la défense, la pass rush en défense, quoi. La pass rush en défense, quoi. Alors moi, mon top, clairement, Logan Ryan, ça a été le type qui a montré que sur ce match-là, ben, on ne le bougeait pas, quoi. Et c'est sur ce match-là qu'il a dit à Thomas, il a dit, non, toi, tu feras rien de tout le match. Il a fait une réception. Bon, qui nous a coûté cher, certes, mais c'est lui qui a mené la défense aérienne sur tout le match. Et je pense qu'il a motivé Butler et tous les autres à faire certaines actions parce que il fallait qu'il se mette au niveau parce que il a vraiment muselé son gars et c'était vraiment beau à voir en fait. Ensuite, moi je pense que je vais mettre une petite palme à Gutowski parce que franchement, ce qu'il a fait en fin de match. Réussir ce kick-là, moi je m'y attendais pas du tout. Franchement, je vais vous dire franchement, je pensais qu'il allait le foirer parce qu'avec les conditions météo qu'il y avait, il y avait un vent de folie, il faisait moins 10, la jambe elle tremble à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Ben, franchement, qu'il ait réussi à mettre ce kick, ben, franchement bravo, ça a été vraiment bien. Et je vais mettre aussi une petite palme à Flenny qui m'a fait vraiment plaisir. Pourtant, ça a été vraiment dégueulasse sur ce niveau du jeu, mais lui, il a vraiment été incisif, il y allait à chaque fois, et c'était pas dégueulasse qu'il a fait, en fait. Et ouais, après, les flops, je vais mettre l'arbitrage, parce qu'il faut le mettre, ça a été complètement dégueulasse, c'était pas beau à voir, il y a des fautes qui ont été sifflées, d'autres qui n'ont pas été sifflées, il y en a qui n'auraient pas dû être sifflées, d'autres qui auraient dû être sifflées qui n'ont pas été sifflées. C'est vraiment un flop de toute la ligue, en fait, je mets en cause toute la ligue, et il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait là-dessus. Ensuite, sur le match, je pense que je vais mettre Harper. Ben maintenant, personne n'en doute. Je pense que tout le monde a compris que je l'aimais pas. Et que c'est lui qui a fait faire le tournant du match, en fait. C'est lui qui nous a démoralisés. Et sans ce turnover, je pense que le match aurait été différent. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont cuté, qu'ils l'ont repris en practice. Parce que, ouais, ils ont bien compris que c'était le tournant du match. Après, c'est la blessure de Gronk et de Hightower, parce que c'est deux joueurs je pense que c'est mon joueur préféré en défense et mon joueur préféré en attaque. Les deux qui se blessent dans le même match, voilà, c'est. J'ai failli pleurer à un moment donné. Voilà. Alors pour ma part, mon top, je vais te rejoindre Gigi, hein. Gostkowski, encore un magnifique coup de pied dans des conditions difficiles. À la dernière seconde, voilà, c'est encore un top, c'est le joueur qui répond présent à chaque match, sur qui on peut compter et qui nous en a fait gagner et qui nous fera encore gagner des matchs ou en tout cas qui nous permettra d'égaliser. Côté de mon flop, je mettrai le coaching. Que ça soit, alors je vais le mettre dans sa globalité, que ça soit le coaching défensif, que ce soit Patricia, que ça soit le coaching offensif avec McDaniels et même Bill Belichick, et je vais même rajouter un coaching Tom Brady. D'une part, pas pouvoir être capable d'avoir remobilisé les troupes en termes de confiance et de concentration, notamment au niveau de la défense et au niveau de l'attaque, de pas faire confiance aux jeunes, à ceux qui sortent du banc, à ceux qui remplacent les titulaires qui sont blessés, de vouloir trop jouer sur des certitudes, au final qui causent des légèretés. On fait passer confiance même Même pour un titulaire qui est Blount, on fait pas assez confiance à notre jeu de courte, parce qu'on fait pas confiance derrière à Bolden et on fait pas confiance à Wright. On force des passes à Lafell qui est sur des passes longues alors que c'est pas son jeu. Il y a un problème de confiance dans cette équipe sur 10 joueurs. En tout cas, qui sortent du banc, je dirais pas forcément la jeunesse, il y a beaucoup de jeunesse dans cette équipe, mais voilà. À des joueurs qui sortent du banc, à qui on doit faire confiance, qui doivent aussi prendre leur rôle pour pouvoir soulager Brady, et de telle sorte que mettre cette équipe sur de bons rails. Donc voilà, c'est un flop pour tout le coaching, et en tout cas Brady, concernant ce match. Bah écoutez, merci messieurs pour cette analyse concernant ce match à son Denver Broncos. Nous on va passer à la deuxième partie de l'émission, le débat, et on va se poser quel va être le futur des Patriots, et qu'est-ce qu'on doit attendre de ces Patriots pour la suite de la saison et pour les playoffs. On a parlé du match face aux Broncos et de cette défaite. Accident, on a retiré que c'était plus ou moins un accident de parcours. Moi, de mon côté, je suis un peu plus inquiet parce qu'on espérait cette défaite, qu'elle serait due à nos corners. Et au final, on se rend compte que c'est plus des problèmes de concentration et que c'est une défaite un peu plus globale qu'elle n'aurait pu être. Est-ce qu'il faut être inquiet, pas inquiet pour l'avenir de la suite? Est-ce qu'au final, les Patriots vont se relever, que ce soit face aux Eagles et face aux Texans et aborder les playoffs de manière, j'irais, optimum pour pouvoir performer et puis aller comme ce que l'on espère tous, aller au Super Bowl et aller remporter une nouvelle bague. En tout cas, moi, ma question, messieurs, ça va être, et maintenant, qu'est-ce que va être la saison des Patriots? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette défaite et de se dire dans une spirale négative parce qu'on va répéter les mêmes erreurs sur les prochains matchs? Ou est-ce qu'on va se relever, corriger les erreurs qu'il y avait et continuer sur les points positifs qu'on a vu ces derniers matchs? Le point positif au final qui a été les corners sur ce match-là et repartir de l'avant. Je pense que quelque part, il faut faire l'analyse de ce qu'on a fait sur ce match et corriger. Et je pense que ça, c'est le boulot de Bill, le boulot de Matt et le boulot de toute le coaching et tout ça. Parce que on va devoir faire quelque chose pour plus que ça arrive en fait. Ou pour que ça arrive, mais qu'on corrige à chaque fois. Qu'on fasse des ajustements, et que sur tout le fil de la saison, c'est-à-dire sur les matchs qui nous restent à venir, qu'on les gagne ou qu'on les perde, mais qu'on les gagne bien et qu'on les perde plus comme on les a perdus là. On peut perdre encore un match ou deux, c'est-à-dire que là, si on arrive à la fin de la saison, qu'on est à 14-1 et qu'on est sûr d'avoir l'avantage à domicile, qu'on perde. Vaudra mieux même faire rentrer tous les joueurs qu'on fait pas jouer d'habitude et qu'on préserve les tops et qu'on fasse jouer même Garrow et que Brady reste sur le banc et qu'on, même si on le perd comme on avait fait l'année dernière contre les Bills, ça me dérangera pas du tout de reperdre un match. C'est pas le problème. Mais ouais, il faut vraiment redresser la barre et faire les choses qu'il faut. Et je pense que ça, c'est au coaching et au staff de faire les choses. Ouais, écoute, moi je pense un peu pareil. Je pense qu'il va y avoir une remobilisation des coachs qui vont, à mon avis, beaucoup, enfin qui ont déjà dû beaucoup parler. Déjà, je pense que ça a dû fumer dans l'avion qui revenait de Denver. Oh, ça, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, je pense qu'ils ont beaucoup parlé, ils ont posé les choses à plat. Connaissant Bill, il a dû faire ça bien comme il fallait, toi, bien carré. Et ouais, je pense. Je suis du même avis que Jean-Jacques. Il peut y avoir une autre défaite. S'il y en a une autre, je pense que ce sera un des deux matchs de division qui nous reste. Mais voilà. moi, je reste optimiste pour la suite. Vous pensez que cette défaite, qui a été marquée par du soin un peu aussi de la non-concentration et des erreurs de coaching et, j'irais, plus mentales, est-ce que pour vous, elle ne va pas se répéter? On a fait cette défaite, c'est marqué. Maintenant, ils vont se relever la tête face aux Eagles, face aux Texans, pour repartir de l'avant, et comme en l'an 40, comme en début de saison, où tout roule et tout est d'aplomb? Ouais, je pense que oui, parce que Philly, c'est pas Denver, quoi. C'est pas Denver, on le sait. Ils sont pas si bons que ça cette année. Ils ont des problèmes de QB, leurs problèmes de ligne, leur problème de running back. On y reviendra ça en dernière partie de l'émission. Mais même plus loin que Philly. Justement. Ouais, même plus loin que Philly. C'est-à-dire que les trois Philly, équipes qu'on va rendre. Après Philly, ouais. C'est Houston. Houston, c'est. Bon, je vais pas dire on va leur marcher dessus parce que c'est à Houston, je crois. Donc je vais pas dire on va leur marcher dessus parce que c'est pas une équipe qui est facile à bouger à domicile, mais moi je pense que ça devrait pas poser de plus de problèmes que ça non plus. Et puis après, il reste Il reste Tennessee. Tennessee, ouais, et Tennessee New en plus, York et Miami. c'est aux Gillettes, Bon, West. moi, je pense que les deux matchs qui nous restent aux Gillettes, je pense que ça va être des finger in the nose, mais pas tant que ça, mais ça va le faire parce que c'est pas non plus des grosses franchises cette année, ils ont des problèmes. Voilà. Et après, les deux matchs de division, on a roulé sur la division cette année, je pense qu'on peut se permettre d'en perdre un des deux. N'importe lequel, c'est-à-dire quand on est sûr d'avoir le seed, en fait, eh ben, on peut se permettre de On perdre. lâche du lest, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est sûr. Après, on a l'avantage de ce calendrier qui est pas difficile en fin de saison. Bon, bien que les Giants, on a toujours eu, les Jets, on Les a Jets. toujours du mal, on a toujours du mal chez eux, c'est toujours comme ça, de toute façon, c'est la division, on sait ce que c'est. Mais je pense que on n'aura pas autant la pression qu'on l'a eu à Denver, en fait, parce que quand on est arrivé à Denver, oh, c'est le match de l'année, il faut qu'on le mette en prime time. En plus, on ne sait pas si le petit jeune il peut gagner le vétéran Brady. Ah ben oui, ils se sont clairement mis la pression, ils se sont clairement fait avoir, alors qu'ils n'auraient pas dû parce que franchement le match était plié. Bon, on va pas en reparler, mais le match était plié. Ben non, mais je pense qu'ils vont en tirer des leçons et plus faire les mêmes erreurs. Après, comme j'ai dit, oui, on peut perdre encore un match. C'est pas grave si on perd même avec trois défaites en fin de saison. Par exemple, même si on perd contre Houston, ce qui peut arriver avec leur défense, c'est probable même. Mais ça me gênera pas tant qu'on perd avec la tête haute, en fait. C'est si on perd parce qu'on a perdu, pas parce que. Et on a fait des erreurs, on a pas. Et parce que voilà, c'est tout. Si les autres sont meilleurs, les autres sont meilleurs, c'est tout. Mais si on perd alors qu'on n'a pas été bon sur un quart-temps, non, c'est pas tolérable. Moi, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit. C'est-à-dire, on sécurise la première place et après on fait tourner pour faire économiser. Je pense que ça serait la pire erreur de coaching pour cette saison. On n'est pas assez solide Ah et non, mais je parle de choix, moi. C'est-à-dire que si on l'a, on le fait. non, non. C'est-à-dire Pour moi, que. non, non, mais justement, si on a le first seed, pour moi, il ne faut absolument pas faire tourner. On n'a pas l'effectif pour. Dans l'histoire, dans le passé, à chaque fois qu'on a fait reposer nos titulaires pour un first seed, on s'est tapé assez souvent le mur en playoff parce que justement, il manquait de rythme. Et surtout avec le niveau des joueurs qu'on a, je pense qu'au contraire, et quand on évoquait tout à l'heure dans l'émission les problèmes de O-line parce qu'il manquait de rythme notamment, je pense qu'ils ont besoin de jouer tous ensemble, titulaires compris. Autant un Gronkowski qui prenne le temps de revenir. Oui, je trouve ça normal qu'on prenne le temps de le laisser, qu'il le fasse revenir, quitte à le faire revenir en dernière journée de saison régulière, juste pour qu'il reprenne le rythme, ou même en playoff, ça, à la limite, ce n'est pas grave. Parce que je pense qu'on peut gagner les matchs sans lui pour être performant. Par contre, le reste, je pense qu'ils ont besoin de régularité, de fait de jouer ensemble, et de les mettre de côté, ça serait la pire erreur, et on arriverait face à une très grosse déconvenue au niveau des playoffs. Donc je pense que ça serait une grossière erreur de laisser reposer Ouais, tu titulaire. penses alors que laisser Brady, par exemple, reposer 2 semaines avec le seed, Non, ça serait une ah non, erreur. c'est une très grossière erreur. Ah, c'est Après, une très grossière moi, erreur. je pense aussi que tu peux le faire jouer, mais tu peux pas le garder tout le long du terrain. C'est pas possible. Moi, je le préserverais quand même. Au moins, le faire jouer la première mi-temps, à la limite, si tu veux pas qu'il perde le rythme, pour qu'il reste dans le bain, mais tu le fais pas jouer sur le dernier quart-temps, c'est pas possible. C'est là où c'est le plus dangereux, en plus. Non, moi, je le préserverais quand Si même. vraiment on avait voulu le préserver déjà, Brady, les matchs en début de saison où on gagnait très facilement, quand le quatrième quart-temps il n'y avait absolument plus rien à espérer, on aurait pu dire oh, mais c'est bon, on le préserve, ça sert à rien, quatrième quart-temps pour pas risquer les blessures, tu mets Garoppolo. On l'a jamais fait. C'est vrai. Ah mais je ben alors On alors le... Et Brady voudra pas sortir, donc je pense que on va rouler à fond jusqu'au bout. On a besoin pour le travailler, on a besoin si pour tu dis travailler. que voilà le staff fait ça, je pense que le staff va pas le faire. Après moi c'est mon avis à moi. Moi je pense que je garderai les postes clés au frais. Mais après c'est un avis. Mais je pense que ouais comme tu dis, je pense que le staff ne le fera pas parce qu'il l'a jamais fait cette année. Il va pas le faire. Mais Voilà, moi je maintiens que si par exemple au dernier match contre les Bills, Gronk se reblesse sur une grosse action ou qu'on se reblesse ou que Brady ou que un joueur clé se blesse, est-ce qu'on le regrettera pas après? Voilà, c'est ça que je me dis. C'est facile de dire après, avant aussi, mais c'est vrai. Mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce que c'est pas vraiment le cas sur ce point-là? Parce que bon, si, c'est vrai qu'il y a ce problème de rythme, mais voilà. On n'a pas assez de qualité, on n'est pas assez une grosse machine à l'heure actuelle pour se dire de prendre le risque de se économiser un match et puis d'être tranquille. Surtout que si tu fais le first seed, tu vas te faire reposer 2 semaines si tu ne fais pas jouer le deuxième match. En NFL, tu perds trop vite le rythme. Je suis désolé. Tu perds. Non, c'est. C'est vrai, c'est vrai. Autant, C'est vrai, tu as raison effectivement, sur qu'il ça, aurait tu as raison. C'est fallu vrai que rythme. avoir, par exemple, une bye week assez récemment parce qu'on a besoin de repos et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir ce first seed. Que normalement, enfin, j'espère qu'on devrait avoir. Pour pouvoir se reposer, parce qu'on en a vraiment besoin, et ça c'est une certitude. Maintenant, de dire on met des joueurs au repos, je pense que toute l'équipe a besoin de se reposer, tout le monde a besoin de se remobiliser, de se reposer, de lâcher un plein air. Mais pas en plein match, de dire on fait tourner, etc., etc. On a trop besoin de travailler. Bah ouais, les deux positions se tiennent en fait. Vouloir d'un côté éviter les blessures des cadres, de l'autre maintenir les joueurs dans le rythme et tout. Donc on va retenir que le plus important, je pense, c'est décrocher la première place pour avoir une semaine de repos pendant la wild card et enchaîner sur des bonnes playoffs. Ouais, je pense. Déjà, ouais, ça c'est l'objectif numéro un. Je pense que ouais, déjà, faut obtenir ça pour faire l'un ou l'autre, je pense, de toute façon. Parce que si on n'a pas la première place, là, c'est tout à fait différent quand même. Parce que là, t'auras même plus une question de rythme, parce que forcément, t'auras même pas la semaine de repos, quoi. T'auras même pas l'espèce de bye week, on va dire fictif, mais présent quand même, si tu n'as pas la première place, quoi. C'est vrai qu'on a le souci d'avoir été les premiers en bye week, T'as pas donc la première ou deuxième place, c'est ça que je veux dire, ouais, parce que ça peut quand même arriver, hein. mais on a eu ouais le dans le calendrier, on a eu un calendrier relativement facile dans les équipes, mais au niveau du rythme, je pense que c'est un calendrier difficile parce qu'on avait justement la bye week en début de saison, Ouais. et donc on a enchaîné une fois la bye week passée, quoi. C'était Ben, on en parlait justement en début de saison que cette bye week elle allait être horrible en fait parce que elle est trop tôt, elle était vachement tôt et c'était pas bon. Et je pense que les blessures, ils sont pas liés directement, mais ça a dû y jouer aussi parce Ouais, que c'est peut-être pas totalement inconnu. Enfin, voilà, ça a pas forcément un impact direct, mais ça joue. Ça, je pense que ça a joué, ouais. Sur la bye week, je pense que ouais, ça a joué. Et ouais. Pour la suite, oui, il faut vraiment que la tête pensante de cette franchise se relève, prenne les bonnes décisions. Après, quelles sont les bonnes décisions? On le verra que après. De toute façon, on ne peut pas les dire avant quelles sont les bonnes décisions. Mais si on arrive jusqu'au Super Bowl, on pourra faire le bilan et dire, voilà, ça a été une bonne décision, ça a été une mauvaise, ça n'a pas été une bonne décision, mais ça est passé. Ben voilà, mais c'est vrai que avant, faire un bilan avant, c'est difficile, mais faire une projection, pourquoi pas? Moi, je pense qu'on va s'en sortir, on va arriver, bon, première ou deuxième place. Il y en a qui me parlaient de Ali, par exemple, parlait de prendre la deuxième place pour aller se venger à Denver. Je suis pas trop trop de cet avis-là, mais je préférais gagner à domicile, comme je lui avais dit. C'est bien pour le public en plus, c'est toujours mieux. Et oui, voilà, mais je préférerais quand même prendre l'avantage à domicile et pas avoir à regretter à Denver, quoi, au cas où. Après, oui, c'est sûr que enfin, aller dire on va chercher le deuxième site pour commencer, aller se venger et tout, enfin. Les calculs d'apothicaire, très peu pour moi, et puis je pense pas que ce soit du tout dans la philosophie des Patriots. Le moment viendra où il faudra gagner le match important en playoff, quel que soit l'adversaire. Donc je pense que le problème, il n'est pas là. Maintenant, c'est surtout la perspective, ça va être là où ça va être intéressant, ça va être quand même, et on le sait, et ça a toujours été le cas, que sans jeu, notamment je pensais au jeu de course, notamment que si on n'arrive pas, et c'est le symbole de cette défaite d'avoir très peu de jeux de course, et si on remet pas absolument par exemple pas de jeux de course, le reste de la saison va être extrêmement compliqué. Parce que Brady va être constamment sous pression et Brady va jouer que sur ses cibles prioritaires. Et donc ça veut dire qu'on va peut-être se précipiter au niveau des blessures, que ce soit Gronkowski, que ce soit Amendola. Parce que ben, on n'est pas capable d'assailler le jeu de course, Brady prend trop la pression. Et puis arriver, ce que je n'espère absolument pas, et je touche du bois, une blessure de Brady sur un mauvais sac. Donc non, voilà, j'ai rien dit. Je couperai au montage, j'ai rien dit. Tais-toi. Ouais, ça tu peux le couper au montage, ouais, je pense. Oui, ben, je suis d'accord avec toi, mais sur le jeu au sol, je pense que ça n'a jamais été la force de notre équipe. Jamais. Sans être une force, il faut le mettre. Mais l'utilité. Par contre, je pense que Bill l'a toujours compris. C'est toujours un truc pour fatiguer l'adversaire, pour lui faire croire des choses. Et Bill sait très bien l'utiliser, surtout avec Josh qui l'aide vachement sur ça. Et quelque part, entre les deux, il faut varier vraiment le jeu. Course, passe, passe, course, course, course, passe, passe, passe, passe, passe, passe, passe, course. Pour que jamais l'adversaire se dise « Ah, là, c'est sûr, c'est une course. » C'est certain. Je le sais, on va forcer dans le milieu et forcément, ça ne va pas passer. Et c'est ce qui s'est passé. Et forcément, ben, quand tu sais ce que l'adversaire va jouer, que ce soit une course ou une passe, ben forcément, tu t'adaptes beaucoup plus rapidement. Et je pense que les jeux feintés, il va falloir en jouer beaucoup plus parce qu'on sait les jouer. On sait les jouer, on s'adapte très vite et ça marche. Et je pense que cette année, on en a fait beaucoup moins que l'année dernière. On a joué vraiment tranquille, c'est-à-dire sans faire trop de vis, de jeux difficiles à comprendre. Je parle de la critique aussi qu'il y a eu l'année dernière avec... Avec les joueurs éligibles ou pas ? Avec les joueurs éligibles, voilà. Ça a posé des questions et c'était du bill. Voilà, on sentait qu'il y avait du bill là-dedans. Ben, cette année, ils y gardent pour les playoffs, ça. Ouais, ben, il faut les garder pour les playoffs, je suis d'accord. Mais à un moment donné, ça te fait perdre des matchs importants si tu fais pas un jeu de course un peu feinté, un peu non conventionnel, je dirais. Et je pense que c'est là que si on s'habitue pas aussi à jouer un petit peu comme ça, comme disait Cédric, eh ben forcément tu perds un rythme, tu perds des choses. Et même si tu le travailles à l'entraînement, dans le jeu, ben, il faut le faire de temps en temps. Il faut que l'adversaire ait peur de toi. Parce que si forcément l'adversaire, eh ben, il sait ce que tu vas jouer, c'est ou passe ou course. Course en plein centre ou passe en profondeur ou passe sur un slot. Ben, ouais, forcément, à un moment donné, tu n'as plus beaucoup, beaucoup d'options. Quoi. Ben ça, c'est la clé du président qui revient dans tous ses pronos d'avant-match. C'est la variation. C'est ça. Ben oui, ben, et je pense que quelque part, il a raison. Ah bah ben, oui, oui. Mais on le fait pratiquement... une fois de temps en temps, en fait, de varier ces jeux-là comme ça. C'est vrai qu'il y a certains drives, on passe en course. On fait passe, passe, passe, passe, passe, passe, passe. Et il n'y a pas une seule course. Et c'est dommage parce que des fois, je vois Brady, il est seul, et je me dis que s'il courrait, il pourrait gagner au moins 20 yards. Ah des oui. fois, je me le dis. Hein, et je me dis que bon, c'est pas le jeu, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas son truc. Mais de le penser dès le départ, de faire croire que c'est une course. Ou croire que c'est une passe et que Brady court 10 ou 15 yards, il en est capable, personne s'y attendra jamais. Et on sait que quand il le fait, c'est seulement parce qu'il n'a pas le choix de le faire. Ça n'a pas été calculé pour le faire. Et ben, je pense que si on rajouterait 2-3 jeux où il court volontairement, où il court vraiment volontairement, où c'était prévu, et ben, je pense que ça marcherait sur certains jeux où on est vraiment perdu, où on n'arrive pas à avancer. Tu vois. En 3e et 3 ou 3e et 4. Et on n'arrive pas, on sait que le jeu de course, il va pas passer parce que forcément, ils vont s'y attendre. Eh ben, on fait un jeu de passe, feinté, et Brady court sur 4 ou 5 mètres, et voilà, il gagne ses yards. Je pense, et il se couche, hein, c'est-à-dire qu'il prend juste le darn. Et je pense que ça marcherait si c'était vraiment pensé. Après, c'est mon avis. Je pense que c'est pensé, mais c'est aussi instinctif. Je pense que par rapport à l'année dernière, on savait que Bill, il avait retrouvé son mojo. Cette année... C'est plus compliqué. Cette année, j'ai pas l'impression que pour moi, Bill a toujours pas enclenché son mojo. Tom, on le sentait en début de saison, qui était parti pour nous faire une saison absolument exceptionnelle, qu'il allait rouler sur tout le monde. Là, c'est plus dur parce que ben, il faut aussi qu'il ait une équipe, même s'il a, il faut qu'il ait une équipe qui le soutienne, etc., etc., et qu'il soit concentré. Et donc, on va pas reparler des défauts, mais il y a tous ces problèmes-là. Donc, il y a ce petit feeling au niveau du mojo. Tu parlais de Brady courir. C'est typiquement quand il y a la connivence entre Bill et Tom. C'est même pas de dire on fait un jeu de course, tu vas courir 4 yards. C'est peut-être aussi à l'instinct où il sait que Tom, potentiellement, sur le jeu qui est appelé, ben, il peut courir. Ça fait partie des options, des options d'attaque. Ouais, ben, c'est une option, c'est ce que je dis. C'est, et ça devrait peut-être pas être une option. Bon, ça reste une option, mais de temps en temps, on devrait pouvoir voir que c'était décidé. Tu vois, que tout le monde. Parce qu'on sait que Brady, quand il a le bras, il cherche son receveur. Et quand il n'envoie pas et qu'il va courir, on le sait que ça n'a pas été, ça n'a pas été prévu. C'est une option. Il prend la dernière option qu'il a. Il court. Moi, je pense qu'on devrait essayer d'en faire un ou deux jeux pour faire dire à l'adversaire, regardez, il a encore la forme, même à son âge, il peut le faire encore. Faites ouais. gaffe, protégez à chaque fois votre centre. Et ça ferait peut-être descendre la défense, ça ferait peut-être descendre les linebackers, qu'ils aillent pas trop loin, qu'ils aillent pas trop loin. Et forcément, si Brady, à un moment donné, les linebackers doutent, eh ben, il pourra lancer sur les tight ends ou sur les slots receveurs, genre Amendola ou Edelman, qui gagneront beaucoup plus de yards. Et je pense que c'est ce doute que les défenses n'ont jamais contre Brady, parce qu'ils savent très bien que c'est juste sa dernière option et que s'il peut passer, il passe. Peut-être le faire une fois tous les 3-4 matchs dans l'année, juste pour dire j'en suis capable, je peux le faire, je suis pas non plus Cam Newton, mais regardez, 10 yards, je les prends. Voilà, et je pense que ça ferait réfléchir certaines équipes, en fait. Mais après, voilà, c'est... Je sais pas, je suis pas coach non plus complètement, mais je pense que ouais, ça ferait réfléchir certaines équipes. Après, Bill, c'est Bill. Voilà, il y a rien d'autre. C'est Bill, voilà. Ouais, je pense qu'on peut lui faire confiance pour qu'il nous sorte le jeu de son chapeau magique quand il faudra. Ouais, et je pense que bon, ça arrivera forcément en play-off. Il a le mojo, comme on dit, quand il est en play-off. Tu disais qu'il avait perdu son mojo. Moi, je pense que non. Je pense que c'est juste une année où Brady, l'année dernière, il s'en est pris plein la tête. Il a montré à tout le monde que, voilà, ça y est, vous voulez jouer comme ça, moi, je le gagne, le Super Bowl. Eh ben, cette année, il veut faire la même chose. Et pour les prochaines années, il veut montrer qu'il a encore un potentiel monstrueux et que c'est lui qui va marquer le football à tout jamais, quoi. Et, oh bah, clairement, ouais, clairement. Et je pense que les deux, Bill et Brady, ils vont rester encore quelques années, je pense, à faire peur. Et je pense que le mojo, non, il n'est pas encore parti, quoi. C'est pas qu'il est parti, j'ai dit qu'il n'avait pas encore son mojo. Il n'est jamais parti. C'est juste que, voilà, il faut qu'il le... Enfin, pas qu'il l'active, parce que c'est un peu bizarre de dire ça. Bah, c'est-à-dire qu'on est quand même à 10-1, quoi. Non. C'est le mojo, il n'est pas non, activé, mais c'est t'as pas du besoin du mojo. Je regarde pas au niveau de la fiche de score, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, parce que au final, tu le vois bien quand même que les Patriots vont quand même aller en playoff sans trop de... Vous y allez en playoff sans être menacé à un cas extrême à se battre pour le dernier match pour avoir une place. Je regarde plutôt sur la forme. Et enfin, sur le fond, justement, plutôt, pardon, de voir justement si les Patriots, quels sont leurs défauts, est-ce que ça va être rédhibitoire en playoff, est-ce que les défaites qu'on perd, c'est justifié, pas justifié, est-ce que ça a des risques à terme, voilà, c'est plus ça qui importe, parce que le juge de paix, ce sera les playoffs, et tu gagnes ou tu rentres chez toi, donc c'est là. C'est la saison régulière, c'est les Patriots, c'est. Et Dieu sait qu'il y a des années de ça, c'était pas comme ça. C'est une équipe, sauf cataclysme, sauf si tu perds 15 joueurs d'un coup. Enfin, tu sais que les Patriots, si tu fais une saison sérieuse sous les ordres de Bill, en général, tu vas au moins en play-off. Donc l'intérêt, il est ailleurs. L'intérêt est ailleurs, il n'est pas sur la fiche de score, il est vraiment sur les prestations. Et se dire, voilà, est-ce qu'avec cette équipe, on peut aller au bout? Est-ce qu'il y a tous les éléments, toutes les étoiles qui sont alignées, qui font qu'on va pouvoir y aller? C'est difficile à dire, c'est un peu, voilà, c'est surtout ça qui fait que la défaite est aussi un peu inquiétante cette semaine, parce qu'on se dit qu'on a les défauts qu'on avait mis en avant, et au final on perd sur des défauts qu'on commence à se créer sur 2-3 matchs alors qu'on les avait pas avant. Attention, attention. Bah, c'est-à-dire que les playoffs, de toute façon, c'est si t'as l'avantage, t'as 3 matchs, quoi. C'est 3 matchs qu'il faut gagner. C'est 3 petites finales où il faut rien lâcher, et à un moment donné... C'est à ce moment-là, je pense que les équipes, où elles se réveillent, même si elles ont fait une saison correcte ou une saison pas correcte, attention, eh ben, c'est là où les équipes se réveillent et elles mettent leur plus gros potentiel. Je pense que les Patriots l'ont déjà montré en play-off, ils sont déjà arrivés plein de fois, on va dire, au bout, et quelquefois aux portes. C'est comme ça, c'est le football. Ils ont une expérience. Maintenant, est-ce que les étoiles sont alignées? Ça, maintenant, personne ne peut le dire. On verra bien sur le fil de la saison et surtout à ce moment-là. Parce que comme tu dis, au play-off, on va y aller. Y gagner, c'est pas la même chose. Ouais, moi, je voudrais juste rebondir sur un truc, enfin, un petit mot que tu as dit, Cédric. Tu as dit qu'on avait sur des défauts qu'on sait créer. Et Pour moi, c'est ça qui est important. On sait créer nous-mêmes nos difficultés et on est les seuls à pouvoir se remettre en cause et à les corriger. Je veux dire, ça va être du travail sur soi de la part de tout le monde. Et je pense que la défaite, là, ça les a piqués au vif. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'en reviens là-dessus. Je suis pas inquiet pour vraiment pour la suite, quoi. Je pense que la piqûre, ça leur a fait du bien et en analysant, ils vont se dire c'est nous, c'est pas des problèmes, tu vois, de qualité, etc. C'est des problèmes de concentration ou voilà. Eh bien écoute, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va terminer ce débat. En tout cas, ben, merci messieurs. Et nous, on va passer à la dernière partie, le match face aux Eagles. Dimanche soir à 22h25. Les New England Patriots rencontrent les Philadelphia Eagles. Rapidement au niveau de Philadelphie, c'est la 20e attaque au niveau des points. C'est la 12e attaque au niveau des yards avec 361 yards. C'est la 16e attaque au niveau de la passe. Et la 13e attaque au niveau de jeu de course. C'est une équipe, depuis ces dernières semaines, qui est pas bonne, qui est en très mauvaise forme. Leur défense est très faible. Ça fait deux matchs qu'ils encaissent plus de 40 points. C'est, tu vois, un match qui est très abordable pour les Patriots, normalement. Sauf un réveil des Eagles, ce qu'on n'espère pas. Et voilà, c'est un match qui permet effectivement de relever la tête. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est rapidement au niveau des forces et des faiblesses. Bah, évidemment, DeMarco Murray au niveau du jeu de course. C'est principalement là parce qu'au niveau du QB, c'est soit Mark Sanchez, soit Sam Bradford, et c'est pas, voilà, c'est pas des QB qui sont extrêmement performants. C'est aussi Ryan Matthews qui colle quand même au niveau du jeu de course. C'est Jordan Matthews au niveau du receveur. Voilà, c'est une équipe qui est largement à la portée des New England. C'est, j'ai envie de vous poser la question, messieurs, est-ce que c'est pas l'équipe justement qui va nous permettre de nous relever, tout simplement. Est-ce que c'est pas l'adversaire idéal? Si. Ah, complètement, oui, complètement, c'est l'adversaire idéal parce que rien que dans leur vestiaire, c'est un bordel. Quand tu parles maintenant de te séparer de ton manager, quoi, bah forcément, ton coach, bah, c'est qu'il y a un problème dans ton équipe. Quand tu prends la star de l'année dernière, qui est DeMarco Murray, et que t'en fais une chiffre molle, on va dire, parce que c'est complètement ce qu'il est cette année, il n'y a plus personne qui veut l'aider. Ben ouais, forcément, l'équipe, c'est celle qu'il te faut pour te relever, quoi. C'est celle que tu vas gagner peut-être de plus 10 points, voire plus 20 points, sans trop te forcer. Mais moi, je dis, attention au piège. Attention au piège, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas quel QB on va jouer. Toujours pas d'ailleurs, parce que bon, entre Sam qui va revenir de sa commotion et notre bon vieux Marc, qu'on connaît très très bien, on ne sait pas trop qui on va jouer. Mais il faut faire attention parce que on n'a pas un pass rush monstrueux. Autant c'est le match qui va faire le match de l'année de Murray, quoi. Autant il nous fait son match de l'année. Et c'est peut-être le piège qu'il faudra éviter. Mais à part ça, je pense que ça sera un petit match tranquille. Mais bon, il faut éviter les pièges. Pareil pour moi, c'est le match vraiment idéal pour se relancer. Je vais pas dire que c'est un match contre un starting partner parce que ce sera jamais. Enfin, je pense que voilà, il n'y a pas de match vraiment facile et tout. Mais c'est un match qui devrait pas poser de problème, qui devrait être logiquement les doigts dans le nez. Une défense en plus Amendola qui revient. Non, pour moi, il n'y aura pas de souci. Il faudra ouais faire gaffe au niveau des courses, peut-être à DeMarco Murray, mais bon, ça peut. Il y aura, ouais, ça va être Mayo en linebacker. Non, franchement, je pense que ça devrait être passé sans trop de soucis. Bah ouais, je pense que si on arrive seulement juste à museler Murray, je pense que c'est 80% du match qui est fait, quoi. Après, Ouais, surtout que je pense que on on a les mettra du joueurs sac pour, ouais. aussi, on aura du sac. Ah oui, je pense que oui, si genre Mayo, Flenny font leur match, même si Ninkovic garde la forme qu'il a eue sur ce match contre Denver, parce qu'il n'a pas été mauvais, ben ouais, non, je pense que les trois, même s'il n'y a pas le retour de Collins, je pense que ouais, non, rien que les trois, je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut, j'espère du moins, et je pense que les erreurs vont venir d'eux, il va falloir profiter de ces erreurs. Moi, je pense qu'il va y avoir du turnover de leur part. Si on en profite, on va gagner facilement. Si on n'en profite pas, eh ben on va gagner, mais très difficilement. Moi, je pense qu'il va falloir les prendre à la gorge tout de suite, vraiment les asphyxier d'entrée en grosse pression en défense pour justement profiter un peu de leur fébrilité et tout ça. Faut les prendre à la gorge tout de suite. Et après, si on attaque pied au plancher et qu'après on relâche un peu, mais tout en restant sérieux, c'est vraiment pas le match qui m'inquiète. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'il va y avoir un point important aussi. Bon, on en a déjà parlé, c'est sur la variation des jeux. Mais aussi, c'est surtout sur le contrôle de la montre. C'est-à-dire qu'il va falloir garder le ballon, quoi. À un moment donné, il faut pas leur donner 40 minutes de jeu. Parce Ah que non. quand tu laisses 40 minutes de jeu à l'adversaire, Il trouve une forcément, solution. il va marquer, quoi. Donc, ouais, il faut des solutions contre ça. Il faut garder le ballon, il faut jouer, comme on disait, la variation des jeux, c'est-à-dire de la course, de la passe. Et si on fait ça sérieusement, même avec notre équipe, on va dire à l'infirmerie, c'est-à-dire Gronk, on va avoir le retour d'Amendola normalement, mais on n'a toujours pas Edelman. Lafelle va être là, mais il va pas falloir l'utiliser comme on l'utilisait contre Denver. Mais si on fait ça, je pense que même sans Gronk, même sans Edelman, l'attaque risque de faire ce qu'il faut, rien qu'avec Bolden et Amendola, et ça s'est déjà vu, on l'a déjà fait, et pourquoi pas le refaire, quoi. Même Chandler, voilà, je me fais pas de soucis sur l'effectif. Après, moi, je dirais attention à ne pas se précipiter quand même sur Amendola. L'équipe, avec tout le respect que j'ai pour les Eagles, je pense que ouais, c'est une équipe qui est assez facile pour les Patriots par rapport à d'autres niveaux. Donc, ne pas précipiter le retour à Amendola. Il revient à l'entraînement, certes, mais s'il a besoin d'un petit match de plus pour bien être en forme, pour éviter une rechute, je pense qu'on a largement les joueurs pour s'assurer la victoire tranquillement. Sans forcer, et puis ça forcera surtout aussi à Tom et puis au coaching à faire confiance un peu aux jeunes, à Martin, à forcer le jeu de course, enfin C'est forcer le vrai. jeu de course, non, à mettre un jeu de course avec Blount, à jouer avec Wright, Bolden, enfin voilà. Je pense qu'il y a de ce côté-là aussi qui ferait que les joueurs blessés, qu'on prenne le temps de qu'ils se reposent, qu'ils reviennent bien et de pas jouer à la précipitation comme on l'a souvent fait au niveau des blessures. Bah, c'est le problème, c'est que c'est récurrent chez les Patriotes, c'est-à-dire qu'on a tendance à se précipiter, c'est ce que le président dit souvent, qui est lui dans le domaine médical, à chaque fois qu'on a un blessé et qu'il revient, il revient toujours une semaine ou 2 semaines avant qu'il devrait revenir, parce qu'on précipite les choses, et je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que si c'était pour les playoffs, je comprendrais à la limite, mais c'est vrai que pour ces matchs-là, on n'en a pas vraiment besoin, mais c'est vrai que moi, ça me dérangerait pas que Gronk, par exemple, soit privé 2 semaines au lieu d'une semaine, par exemple. Voilà. Après, c'est un avis personnel. Je pense qu'on n'en a pas besoin pour gagner nos 2 prochains matchs. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin pour se qualifier en playoff et qualifier pour la première place. Je pense qu'on peut le laisser au repos, limite jusqu'à la fin de la saison C'est régulière, vrai. et peut-être le faire jouer sur le dernier match, histoire qu'il reprenne le rythme juste Comme avant les tu disais playoffs. tout à l'heure, ouais, comme tu disais tout à l'heure, oui, je pense que ce serait même mieux. Mais après, Bill, c'est pas son truc. Voilà, c'est clairement pas son truc. Après, là, ils ont quand même annoncé qu'ils prendraient le temps de qu'ils reviennent à 100%. Après, oui, il y a 100% qu'on veut nous et leur 100% à eux. Parce que se sentir à 100% et être à 100%, c'est pas pareil. On l'a déjà vu sur les rechutes, on le sait. Mais bon. Là, pour le coup, tu vois, Gronk, je pense qu'il ouais, il est vraiment conscient de son passif au niveau des blessures et tout. Et vu qu'il a dit qu'il reviendrait effectivement quand il se sentirait à 100%, je pense que les coachs l'écouteront. Ce sera vraiment lui qui. Je pense que pour le coup que c'est lui qui a les clés là. Bah, c'est ce qui me fait un petit peu peur aussi. Parce que quand tu donnes les clés à un joueur, c'est pas forcément bon. C'est à un moment donné, faut qu'il y ait un avis médical. C'est ce que le presse dit tout le temps. Eh ben ouais, il faut Ouais, que le... mais tu vois, au niveau du ressenti, je pense que justement, Ouais. Gronk, il sait ce que c'est qu'être blessé, lui. Et je pense pas Maintenant, qu'il oui, maintenant. prendra le risque de lui-même, quoi, de dire je veux jouer et tout. Ouais. C'est vrai que avant, il était un peu plus jeune, je pense que ouais, il avait ses petites fougues, dire ouais, je veux jouer tout le temps, je veux faire ce qu'il faut. C'est vrai que maintenant, peut-être avec la maturité qu'il a eue maintenant, j'irai un peu plus qu'avant, parce qu'on connaît le petit fêtard quand même. Ben ouais, je pense qu'il fera attention maintenant, parce que louper les playoffs, c'est louper les playoffs. Voilà. Et ouais, Gronk, c'est vrai qu'il a cette image un peu, toi, de chien fou, quoi. Toi, c'est l'éternel ado qui fait ses fiestas off-saison et tout. Mais je pense qu'autrement, c'est un vrai pro pendant la saison. C'est ça. Et on peut vraiment lui faire confiance sur sur le truc. C'est le joueur qui a la tête sur les épaules. Quand il est dans son match, il est vraiment dedans. Et, enfin, dans son travail en général. Et je pense pas que de lui-même, il force son retour. Non, c'est vrai. Et je pense que s'il y a un retour forcé, je pense que ouais, ça viendra du coaching, c'est vrai. Mais voilà, il faut faire attention, et que ce soit lui ou que ce soit les autres, hein. Que ce soit lui, que ce soit Amendola ou même Edelman. Je pense que ouais, il faut qu'ils reviennent à 100%. S'ils sont prêts, ils sont prêts. Après, il faut pas forcer. Voilà. C'est vrai. Eh bien écoutez, messieurs, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Il me reste à vous demander votre pronostic pour ce match. 41-17. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ben moi, je vais être un petit peu moins. Si. Non, je serais moins généreux que toi quand même. Moi, je dirais le pronostic, ça sera 31-21 de 10 points. Ouais. Et moi, je vais dire 35 à 10. Réaction d'orgueil. Et puis, ils vont nous montrer, voilà, avec du caractère, que taper du poing sur la table, que la défaite à Denver, ils l'ont bien comprise. En faisant jouer, je précise, les joueurs du banc sans précipiter le retour de nos stars. Ouais, tout dépendra de la défense en fait. Mais ouais, je pense qu'on va s'en encaisser quand même. Ouais, je pense. Écoutez, merci. Il me reste à vous remercier pour cette émission. Merci en tout cas. Ben, merci à toi. Merci à Merci toi, de oui. cette participation. Et avant de nous quitter, une petite info, restez connectés, restez à écouter le podcast parce qu'on vous prépare une petite surprise pour l'émission juste avant Noël. Elle est en cours de finalisation, on ne peut pas vous en dire plus pour le moment, mais restez connectés, on vous prépare une petite surprise. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il vous reste à vous souhaiter une bonne semaine à tous, de bons matchs NFL et n'oubliez pas, le Fan Club français du New England Patriots, partout, toujours. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.